Il fut un temps où la science-fiction n'était pas faite que de vaisseaux spatiaux qui tirent des rayons laser en faisant s'affronter le méchant empire contre la gentille rébellion. Il fut un temps où la SF mettait à bas la société de consommation, piétinait le consumérisme, dénonçait les dérives de la société capitaliste, créait des univers anarchistes pour refuser l'ordre mondial, crachait sur le pouvoir des médias, des entreprises, des politiques, taguait les murs de la réalité virtuelle et jouissait de la destruction de l'ordre établi. Qu'est donc devenue cette SF dans un monde où la dystopie de contrôle numérique n'est plus un fantasme mais une réalité? La science-fiction est-elle encore un espace de protestation? La SF du 21e siècle est-elle encore punk? SF Punk Fiction, c'est le programme Nos Futurs qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de plonger dans le nihilisme politique et de passer des épingles à nourrice dans nos lobes d'oreilles, on passe en revue l'actualité scientifique de la semaine avec Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue hier dans la revue Science avec la conception d'une nouvelle génération d'aimants. Et dans notre vie de tous les jours, les aimants sont utilisés partout. Ça va d'une manette sur votre frigo, au téléphone portable, au moteur, aux appareils médicaux, aux ordinateurs, aux haut-parleurs de votre radio, jusqu'au micro que nous utilisons actuellement. Bref, tout ce qui est électronique. C'est un budget annuel de presque 30 milliards de dollars. Mais les aimants traditionnels ont quelques défauts. Ils sont souvent créés à haute température, donc cela consomme beaucoup d'énergie. Ce sont souvent des matériaux lourds, très denses en métaux, quelquefois ils sont polluants, et parfois ce sont des métaux rares et onéreux. Une équipe française a mis au point un nouvel aimant à partir de molécules aux propriétés magnétiques bien plus performantes que ses prédécesseurs. Rodolphe Clairac est directeur de recherche au CNRS, au centre Pascal-Paul Pascal, à Pessac. Il est l'auteur principal de cette étude. On essaie de faire des aimants qui ont des propriétés assez similaires à ce qui est déjà fait, mais à partir de métaux de transition qui sont très communs, qui sont très faciles à obtenir, le fer, dans notre étude le chrome, mais ça pourrait être des éléments simples qui se trouvent en abondance dans la croûte terrestre et qui sont pas chers du tout. Et on les associe avec de petites molécules organiques. On essaie de trouver des molécules qui sont le moins chères possible, on va dire. Alors l'avantage de nos aimants par rapport aux aimants traditionnels, c'est que comme ils sont, comme les métaux de transition qui portent le moment magnétique sont séparés, eh bien, par des molécules organiques, leur densité, c'est-à-dire leur poids, est beaucoup plus petit. Donc on va avoir des matériaux, des aimants qui sont légers par rapport aux aimants qui sont faits de façon traditionnelle. Et donc cet aimant est le premier aimant qui fonctionne à température ambiante et qui a un effet mémoire. Donc de ce point de vue-là, c'est sans précédent par rapport à ce qui avait été fait avant. Il y a deux autres systèmes moléculaires qui peuvent être utilisés à température ambiante. Et la plus haute température de fonctionnement était autour de 127 degrés Celsius. Là, on a un aimant qui va jusqu'à 242 degrés Celsius, ce qui est quand même une augmentation de sa température de stabilité et d'applicabilité assez importante et sans précédent. Mon équipe est avant tout une équipe qui travaille en recherche fondamentale. Malheureusement, c'est pas forcément quelque chose qui a très le vent en poupe actuellement, à la fois au niveau des financements et autres. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est voir si certains concepts sont possibles. Donc là, l'idée, c'était vraiment de montrer que ces aimants moléculaires n'étaient pas des objets de laboratoire, mais quelque chose qu'on pouvait vraiment obtenir à température ambiante et éventuellement le donner à des ingénieurs pour développer des systèmes applicables, par exemple dans les futurs téléphones portables ou comme ce sont des aimants légers, par exemple dans les satellites ou je ne sais quelle autre application dont j'ai probablement pas idée aujourd'hui. En bref, hier, la NASA a annoncé que les échantillons de l'astéroïde Bennu de la sonde Osiris-Rex sont bien sécurisés. Oui, on a eu quelques frayeurs lorsque vendredi dernier, on s'est aperçu que la sonde avait collecté trop de roches de l'astéroïde, que le boîtier de collecte ne se refermait pas et que de la poussière s'en échappait. Ces deux derniers jours, la NASA a retenu son souffle. Le bras robotisé d'Osiris-Rex a transféré tout doucement son butin dans une capsule au centre de la sonde, une capsule hermétique qui s'est bien refermée. Alors selon les images, il y aurait 400 grammes de poussière de Bennu. C'est la première fois que l'on va rapporter sur Terre une telle quantité d'astéroïdes. Le voyage retour est prévu en mars prochain pour un atterrissage en septembre 2023. Selon une prépublication parue hier sur le site Archive, après tout, il n'y a peut-être pas du tout de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. La grande actualité spatiale de 2020 ne serait peut-être qu'une erreur. Alors selon ce préprint, qui n'a pas encore fait l'objet d'une révision, l'article paru dans Nature Astronomy, selon lequel il y aurait de la phosphine sur Vénus, et donc éventuellement une trace de vie, selon ce préprint, cet article est faussé. Pour ces chercheurs de la NASA, le signal de ce gaz a été confondu avec du dioxyde de soufre, un gaz abondant sur Vénus qui produit un signal proche de celui de la phosphine. Avec les données collectées par le télescope ALMA au Chili, il est impossible de faire la différence de façon concluante entre ces deux gaz. En analysant à nouveau ces données, il ne retrouve aucune trace de phosphine. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question de la pollution atmosphérique qui pourrait être un facteur aggravant de la maladie d'Alzheimer, de l'abondance d'eau glacée à la surface de la Lune, de l'observation de galaxies très matures dans l'univers jeune, des erreurs commises lors du déconfinement, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref. Hier, l'IPBES a publié son nouveau rapport sur les liens entre les pandémies et la biodiversité. Je cite « Dans les décennies à venir, les pandémies vont être plus nombreuses, plus meurtrières, se propageront plus vite et feront plus de dégâts à l'économie mondiale. Sauf si nous freinons radicalement la perte de biodiversité. Face à cette nouvelle ère des pandémies, plutôt que de réagir, mieux vaut prévenir, dit les experts. De plus, préserver la nature coûterait 100 fois moins cher que de subir les dégâts économiques de ces épidémies. » Des biologistes australiens ont découvert cette semaine un récif corallien gigantesque. Un récif d'un demi-kilomètre de haut. C'est encore plus haut que l'Empire State Building. C'est la première fois en 120 ans que l'on découvre un nouveau récif dans la Grande Barrière de Corail en Australie. Et bonne nouvelle, contrairement à la plupart des récifs aux alentours, il est en bonne santé. Et enfin, sachez que lorsqu'une pieuvre vous touche avec ses tentacules, elle vous goûte. Ou plus exactement, elle vous lèche. Une équipe américaine a identifié sur leur ventouse des cellules chimiosensorielles aux capacités odorantes et gustatives. Cela leur permettrait de détecter les proies potentiellement toxiques. Les 8 tentacules des céphalopodes sont donc à la fois des mains, des cerveaux et des langues. Dans quelques minutes, on partira à la recherche de l'anarchine The SF avec nos 3 invités. Mais avant cela, on ouvre le journal de la science-fiction. Et on commence ce journal de la SF avec une étude parue dans Classical and Quantum Gravity, un voyage dans le temps sans paradoxe et mathématiquement possible. Et la question du voyage dans le temps fait encore débat chez les physiciens. Alors certes, le voyage dans le temps n'existe pas dans la physique que l'on connaît, mais dans les équations de relativité formulées par Einstein, on s'est vite aperçu que ces formules, d'un point de vue mathématique, autorisent de voyager aussi bien vers le futur que vers le passé. En 1937, William Jacob von Stockham est le premier à avoir formulé l'idée de boucle temporelle. Mais problème, c'est qu'elles peuvent rompre le principe de causalité, l'un des grands fondements de la physique. On illustre le plus souvent par le paradoxe du grand-père. Si on peut partir dans le passé, on pourrait tuer son grand-père et donc ne plus exister, ce qui serait un paradoxe. Pour ces 2 mathématiciens américains, il est possible, toujours d'un point de vue mathématique, de voyager dans le temps, et ce, sans paradoxe. Marie-Christine Angonin est professeure à la Sorbonne Université et à l'Observatoire de Paris. Elle travaille sur les aspects théoriques de la relativité. L'exemple le plus connu, c'est le trou de ver dont on entend parler, par exemple, dans les films comme Interstellar, qui permettent de faire des voyages raccourcis dans l'espace-temps. À partir du moment où l'espace-temps est déformé par une matière exotique qu'on ne connaît pas, encore une fois, on parle de masse négative, d'énergie imaginaire, enfin bon, on peut imaginer donc pouvoir faire des boucles temporelles qui tournent sur elles-mêmes. Eh bien, des mathématiciens se sont aperçus que ces boucles temporelles qui sont isolées dans l'univers, en fait, pourraient se connecter entre elles et former des systèmes complexes qui fassent qu'il pourrait y avoir du signal qui parte d'une boucle à une autre. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas isolées, mais qu'elles soient isolées en groupe, en quelque sorte. Et le fait qu'elles soient isolées en groupe fait qu'on n'a plus quelque chose qui tourne sur lui-même indéfiniment et qui ne donnerait aucune information, qui n'aurait aucun intérêt, quoi, en quelque sorte. C'est un univers fermé, en quelque sorte. Mais d'avoir des communications entre ces différentes boucles et permettant aux observateurs, comme ils disent, coincés dans ces boucles, d'avoir quand même des actions possibles, une dynamique possible, des choix possibles de communication entre ces différentes boucles. Ça reste un système isolé globalement du reste de l'univers. On n'en est pas encore à pouvoir rentrer dans une machine temporelle et puis à faire des choses un peu bizarres. Mais ça reste quand même un système complexe, acausal, comme ils disent. Pour moi, la chose importante, c'est vraiment la dernière phrase de l'article, comme quoi les auteurs eux-mêmes prennent du recul par rapport à leurs résultats en disant « mais on n'a aucun exemple concret physique qui puisse exister à l'heure actuelle. C'est un jeu mathématique, c'est un jeu d'esprit tel qu'on les aime bien dans la recherche. » Donc ça, c'est très excitant, effectivement, même si on n'a absolument aucune application concrète de cette chose-là. Il n'empêche que c'est très excitant du point de vue intellectuel de se projeter vers des systèmes qui posent des questions réelles sur ce que c'est que la causalité dans l'univers et comment ça peut fonctionner et comment on peut aller aux frontières de cette notion. En bref, selon une étude parue dans The Astronomical Journal, la NASA a détecté une étrange molécule sur Titan. Et Titan, le plus grand satellite de Saturne avec ses lacs d'hydrocarbures et son atmosphère azotée, il est un candidat sérieux pour abriter la vie. Avec le télescope ALMA au Chili, les équipes de la NASA ont détecté dans son atmosphère, non pas de la phosphine, mais du C3H2, du cyclopropénylidène, une molécule extrêmement rare qui n'existe sur Terre qu'en laboratoire. C'est aussi la première fois que l'on détecte cette molécule dans l'atmosphère d'une planète. Cette molécule complexe est ce que l'on appelle une molécule cyclique qui pourrait aussi être un élément des nucléobases de l'ADN et de l'ARN, en d'autres mots, des molécules organiques. La NASA et l'ESA vont construire ensemble une base lunaire. Et c'est officiel, les deux agences s'associent pour le projet intitulé la Passerelle, une future station spatiale en orbite autour de la Lune. Ce projet intègre le programme Artemis qui vise à envoyer sur la Lune des astronautes d'ici 2024. La passerelle devrait être 6 fois plus petite que la Station Spatiale Internationale, mais elle servira de point de ravitaillement, mais aussi de point d'étape pour les prochaines missions d'exploration humaine sur Mars. La construction pourrait commencer d'ici 2022. Et enfin, on termine comme chaque vendredi par notre rubrique de sciences improbables. Natacha, selon une étude parue dans la revue Journal of Zoology, les rats taupes nus kidnappent des bébés d'autres colonies pour en faire des esclaves. Et on sait que ce drôle de mammifère, aux dents courbées et à la peau ratatinée, résiste au cancer, survit pendant 20 minutes sans oxygène et tolère des niveaux de douleur étonnamment élevés. Cette équipe américaine a découvert qu'ils sont aussi esclavagistes, comme certaines fourmis. Depuis le début des années 90, les chercheurs suivent 26 colonies de rats taupes nus et ils ont mené des analyses génétiques. Selon eux, des bébés sont kidnappés pour être ensuite transformés en ouvriers non reproducteurs, une main-d'œuvre nécessaire pour creuser des galeries souterraines qui peuvent s'étendre sur des kilomètres. Vraiment un animal délicieux. Merci beaucoup Natacha et on se retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. Et on a bien sûr une petite pensée émue en ce jour pour toute la formidable équipe des Utopiales qui a été contrainte d'annuler à la dernière minute le festival où nous aurions dû être en direct en ce moment même et qui manque cruellement à toute la communauté des amateurs éclairés de science et de science-fiction. Nous leur dédions donc évidemment cette émission de bon cœur que nous avons maintenue à distance avec une pensée toute particulière pour le délicieux monstre bicéphale Jeanne Adeba et Roland Lehoucq et pour toutes et tous les camarades de l'organisation qui ont déployer des efforts incroyables jusqu'au bout pour tâcher de maintenir dans les meilleures conditions ce rendez-vous essentiel. Merci à vous donc au Lécoeur et à l'année prochaine. J'en profite d'ailleurs pour vous glisser que l'anthologie de nouvelles qui est publiée chaque année pour le festival, cette édition 2020, dans laquelle vous pourrez par ailleurs lire un récit court et inédit de votre serviteur, est et reste disponible en commande via le site des éditions ActuSF ou dans vos librairies de quartier qui vont continuer malgré les conditions de vous proposer d'avoir accès à leur littérature via des systèmes de click and collecte, donc soutenez leur effort, ça nous semble important aujourd'hui de le redire. Ceci étant dit, nous maintenons donc à distance cette émission que nous avions prévue pour les Utopiales, une émission consacrée non plus tellement au futur, mais à l'absence de futur, au no-futur. Si aujourd'hui la SF, et notamment audiovisuel, semble parfois, qui a dit souvent, aseptisé avec ses space opéras manichéens, fadas, ses éternels et abrutissants combats du bien contre le mal, ça n'a pas toujours été le cas. Loin s'en faut, il fut un temps pas si reculé où la science-fiction filait des grands coups de pompe dans le réel, fracassait les modèles économiques, politiques, religieux à coups de batte de baseball et les piétinait en leur crachant dessus. Cette ESF aux accents anarchistes n'a pas tout à fait disparu, elle a pris d'autres formes, d'autres atours et nous sommes en ligne avec 3 dignes représentants de ce que l'on peut qualifier de façon différentes pour chacun des 3, de SF Punk. Bonjour Jean Barret. Bonjour. Auteur de la trilogie Trademark aux éditions du Bélial, Bonheur TM, VTM et Mort TM, apparaître quand bientôt ? Bientôt, probablement en mars, ou en tout cas premier trimestre 2021. Ok, eh bien on attend ça avec impatience. Bonjour Christophe Siebert. Bonjour Nicolas Martin. Auteur de Images de la fin du monde et métaphysique de la viande, c'est au Diable Vauvert et nous devrions être rejoints d'ici peu de temps, on l'espère, par Karim Berouka, auteur du Club des Punks contre l'apocalypse zombie chez ActuSF et J'ai lu en poche, également chanteur du groupe de polyphonie baroque Ludwig von 88. Mais pour commencer, peut-être faut-il se demander, c'est quoi exactement punk ? Est-ce que vous savez ce que c'est un punk ? Je n'ai pas besoin de ça. C'est quelqu'un qui est excentrique. Les punks, c'est des mecs qui ont des bandes rouges, jaunes, les cheveux colorés, habillés complètement dévergondés. Ça, je ne m'en occupe pas. Il reste que 800. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des punks ? Ben, ce sont des bons à rien. Oh, oui, ça ne me plaît pas beaucoup, ces gens-là. Les gens genre footistes. Oui, les punks, bah, tous les oiseaux qu'on voit là sur la place, là. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ce que j'en pense, je pense que c'est une génération bien triste, moi, vous savez. Jean Barret, Christophe Hiébert, c'est quoi punk ? Oh ben, des jeux mon footiste, moi j'aime bien cette définition, ouais. C'est pas mal ce que disent les personnes vers la fin. Ça vient de quelle année ce micro-trottoir ? On n'a pas retrouvé la date exacte, mais ça doit être dans les années 80. D'accord. C'était les people under no king, je crois. Refus anarchiste de la royauté et de la société capitaliste. People Under No King, c'est l'acronyme de punk, c'est attesté ça ou c'est une légende ? Je crois. Alors, je ne saurais pas dire si c'est attesté au sens vraiment officiel du terme, mais il me semble dans mes souvenirs que c'était vraiment l'acronyme. Et en tout cas, ça paraît correspondre à la philosophie du mouvement, un peu beaucoup d'anarchie, un peu nihilisme. Par conséquent, des bons à rien. Oui, forcément, si on le compare au productivisme des gens bien comme il faut, oui. J'aime bien cette définition aussi. Christophe Hiébert ? Oui, peut-être aussi un refus des solutions toutes faites et d'essayer de trouver ses propres manières de vivre et de se sortir du chaos dans lequel on est plongé en général dans la société. Vous reconnaissez l'un et l'autre dans cet adjectif, dans ce mouvement, dans cette philosophie. Vous pourriez dire que vous faites d'une certaine manière, et on reviendra précisément dans la deuxième partie sur vos ouvrages respectifs, mais quelque chose qui serait de la science-fiction punk, ça a du sens pour vous, Christophe Hiébert ? Pour moi, oui, mais peut-être davantage de par mon parcours lui-même que parce que j'écris exactement. Puisque j'ai beaucoup fait de fanzines, beaucoup été dans les maisons d'édition alternatives, beaucoup fait de lecture dans des squats. Du coup, le mouvement punk a été assez nourrissant pour ma manière d'exister déjà avant même mon travail, en fait. C'est Jean Barret, pour faire de la littérature punk, c'est un mode de vie. On ne sait pas si on peut dire hygiène de vie. Je ne sais pas si hygiène et punk, ça va ensemble. Ah. Mais en tout cas, un mode de rapport au monde. Un mode de rapport au monde, oui. Alors, est-ce qu'on écrit de la SF punk ? Oui et non. Je dis oui et non parce qu'il y a le côté nihiliste, un peu anarchiste, en tout cas subversif. Je crois que c'est assez important dans l'idée et de la SF en général et encore plus peut-être d'une SF punk. Oui. Après, le rejet complet de la société, la volonté de la casser complètement, et d'en être totalement à la marge, c'est peut-être un peu difficile pour la SF, en tout cas pour un mouvement littéraire, parce que précisément, en réalité, on traite quand même de ce qui n'est pas qu'à la marge. En tout cas, dans ce que j'écris moi, c'est à la fois, c'est plutôt plus du subversif que peut-être du punk pur et dur. L'idée étant de mettre quand même en relief ce qui elle ne va pas dans nos sociétés, mais pour savoir écrire sur ce qui ne va pas, il faut quand même camper ce qui va. Et du coup, je sais pas, je crois qu'il y aurait des personnages punk, les personnages punk seraient différents, probablement dans la SF de ce que j'écris, voilà. Peut-être on a trouvé alors de manière complètement fortuite cette définition dans le livre qui est consacré à Nick Cave, Stranger Than Kindness, chez Michel Lafon. Le punk est le gémissement du détruit. Christophe Hiébert, ça fait écho, ça vous parle cette définition ? Oui, c'est plutôt juste. Peut-être qu'une littérature punk, qu'elle soit de SF ou pas de SF, mettons de SF, c'est l'exploration peut-être des rapports entre une norme qui va être oppressive ou autoritaire et justement des marges qui essayent de, de s'en sortir, de vivre quand même un peu et de proposer des solutions alternatives ou subvertives. Jean Barrel, le gémissement du détruit, ça vous cause ? Oui, c'est une jolie formule. Oui, ça représente ça incarne la souffrance que certains peuvent ressentir dans une société comme la nôtre. Et cette souffrance peut amener à des gémissements, c'est-à-dire pas forcément des cris, pas forcément des hurlements, pas quelque chose qui se fait entendre avec fracas, mais oui, une douleur sourde qui n'en est pas moins vivace, oui. Ça me paraît pas mal comme définition aussi. Est-ce que vous avez le sentiment, l'un et l'autre, qu'il y a pu avoir, à un moment donné, une littérature de SF punk, finalement en accord avec bien l'apparition du mouvement dans les années 70 jusqu'au début des années 80? Il y a quelque chose dans la SF qui a accompagné ce mouvement punk? Vous diriez peut-être l'un ou l'autre qu'il y a un petit père de la littérature SF punk, ou une petite mère d'ailleurs, je ne sais pas, Christophe Siebert? Pour moi, il y a deux grands jalons dans la littérature de SF punk qui ont un peu précédé le punk lui-même d'ailleurs. C'est de façon assez consciente Substance Mort de Philippe K. Dick, qui est publié en 77 et qui raconte vraiment ça, vraiment les Dick à l'époque du coup fait le résumé de ce qui se passe chez lui, c'est-à-dire tous ces jeunes en marge, plus ou moins drogués qui squattent son salon et qui lui racontent leurs aventures et transposent ça dans un état totalitaire, légèrement futuriste. Et avant ça, je pense, en 59, il y a le festin nu de Burroughs, qui est vraiment pour moi le prototype de la SF punk, puisqu'il a vraiment sûrement une littérature des marges, des laissés pour compte, des rejetés, et qu'en plus, il y a toute une fantasmatique entre la SF et l'horreur, entre l'hypertechnologie et des choses très biologiques qu'on trouvera chez Cronenberg plus tard. Et du coup, je pense que le vrai point de départ du punk en littérature, c'est le festin de nuit. Ouais, c'est le festin de nuit de Burroughs. Jean Barret, quelle est votre opinion là-dessus? Quels sont les auteurs ou les autrices qui incarneraient un peu cette vague de SF anarchiste, contestataire, punk ou nihiliste, appelons-la comme vous le souhaitez? Peut-être les grands ténors du mouvement cyberpunk, qui en définitive porte peut-être bien son nom. Même si ça décale sur d'autres peut-être problématiques que purement l'anarchie ou la révolte. Mais oui, tout ce mouvement-là qui est basé sur potentiellement des groupes à la marge qui sont qui basculent dans le terrorisme, soit en tout cas dans le refus et le rejet d'une société trop structurée, trop stricte, avec tout un capital qui est entre les mains d'une minorité qui exploite la pauvre masse laborieuse. Oui. Mais je verrais plutôt les mouvements du cyberpunk. Mais sinon, donc William Gibson, Bruce Sterling. Oui. Mais effectivement, sinon, les autres auteurs que vous avez cités sont très peu. Très certainement, peut-être même précurseur en effet du mouvement punk lui-même. Il y a un auditeur collaborateur, contributeur régulier de la méthode scientifique qui pose cette question que je trouve assez savoureuse et assez amusante. Jean Barret, à votre endroit, est-ce qu'on peut être punk et mettre le TM de trademark dans les titres de ses romans? Est-ce que c'est une sorte de manifeste punk, parce que on entend bien que vous l'utilisez pour le démolir, ce sceau de la consommation? Oui, si on veut bien considérer que le mouvement punk est aussi subversif et pas simplement de la pure révolte et du pur rejet, oui, à ce moment-là, je suis assez d'accord. Parce qu'à nouveau, pour moi, l'idée, c'est de travailler sur le subversif. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus caractéristique de notre société actuelle que le trademark? Je ne sais pas, il y a certainement d'autres choses, mais c'est en tout cas un des piliers de notre société. Et si on veut un petit peu l'ébranler, ou en tout cas ce pilier, ou en tout cas le faire tourner autour et réfléchir à ses conséquences, oui, ça... C'est un petit peu peut-être punk, en effet. À titre personnel, moi, il y a un auteur que je considère, dont je considère la littérature comme étant une littérature punk, qui s'en est, je pense, revendiqué peut-être nommément ou en tout cas à demi-mot, et je le soumets à votre sagacité, messieurs. Norman Spinrad, Jack Baron et l'éternité en direct. Est-ce que c'est pas des grands romans punk complètement en prise avec leur époque et qui ont une vraie portée, une vraie ambition politique anarchiste, en fait, Christophe Siebert? Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est un peu comme comme ce que disait Jean Barrette sur les sur le trademark et la récupération des codes et des symboles du de ce monde qu'on conteste. Jack Baron, ça fonctionne que là-dessus, et Spinrad aussi d'ailleurs en général dans ses bouquins. Mmh. Oui, donc oui, c'est un bouquin fondateur, je pense qu'on regarde, sorti en 69, donc effectivement aussi très très fondateur dans les racines de ce genre. Ouais. Ouais. Jean Barret, votre opinion là-dessus? Oui, tout à fait d'accord, exactement. Oui, oui, oui. C'est la même logique, on va dire, de subversif. Oui, oui. Entièrement d'accord. Et en termes de logique subversive, voici que nous rejoint Karim Berouka qui a décidé de faire un acte punk et d'arriver à 16h26. Bonjour Karim Berouka. Bonjour, j'ai perdu dans les bois, c'est pas très punk. Mais... Ça dépend ce que vous y faites. Merci en tout cas de rejoindre la conversation. Je rappelle que vous êtes auteur du Club des Punks contre l'apocalypse zombie. On était en train de discuter un peu justement de l'influence du mouvement punk sur la littérature de science-fiction. On a cité un certain nombre d'auteurs, le dernier en date étant Norman Spinrad. Pour vous, quel serait l'auteur ou l'autrice qui incarne le mieux justement ce mouvement, soit en amont, soit complètement, en étant complètement bien contigue à l'émergence du mouvement punk dans les années 70? Wow. Moi j'aime bien Silverberg parce qu'il a fait du truc il a fait du social avec les monades urbaines, mais je crois qu'il l'a fait avant l'invention du punk, donc on va dire que c'est un précurseur. Après des romans punk, je sais pas là, c'est une bonne question, j'aurais dû réviser, mais je crois que il doit y en avoir. Il y en a certainement quelques-uns, on en a cité plusieurs. Est-ce que vous avez le sentiment que cette veine de la littérature, anarchiste, contestataire, très politique, elle s'est tarie, elle s'est dissolue dans l'entertainment, ou au contraire, est-ce qu'il y a une sorte de filiation? Est-ce que vous-même, les uns et les autres, vous vous en revendiquez, Christophe Siebert? De faire une littérature critique et subversive, ouais, je pense que je m'en revendique. Et puis le fait qu'on soit là ou que d'autres collections comme Mu ou le Tripode proposent aussi des bouquins qui sont des fois très très critiques et font appel à la science-fiction, prouve encore que oui, le genre est encore bien vivant. Ça vous semble aussi constitutif de ce que devrait être la science-fiction? Est-ce que la science-fiction s'est un peu égarée en chemin, Jean Barret, en perdant cette dimension politique, cette dimension rebelle? Ah oui, je pense en effet que il y a eu un égarement de la science-fiction. Je crois que la science-fiction, ça, et qu'elle soit ou punk ou autre chose, peu importe, mais je pense que la science-fiction est une fiction qui est faite pour décaler dans le futur des problématiques présentes afin de pouvoir les mettre en lumière en les exagérant. Mais elle doit, me semble-t-il, parler de notre présent, de nos problématiques présentes. Et beaucoup de SF se sont éloignés de ce positionnement et sont très bien par ailleurs, c'est pas ce que je reproche du tout, mais elle s'éloigne de ce côté, par conséquent forcément contestataire, puisqu'à nouveau, à mon sens, il s'agit de décaler dans le futur une problématique présente. Et ça revient peut-être un petit peu ces derniers temps, en effet, ça, mais je ne sais pas s'il y a un si grand public que ça pour ce genre de littérature, parce que ça secoue, ça fait quand même un peu mal. C'est pas agréable, forcément, à lire, au sens, en tout cas, à y réfléchir. Alors, est-ce que les gens, petit à petit, ont eu plus envie de détente et éventuellement de réflexion d'ailleurs, mais paisible? Ou est-ce qu'ils sont prêts à se faire secouer les puces idéologiques? Je sais pas. Se prendre un coup de batte de baseball dans les tibias. Karim Berouka, la SF s'est assagie, c'est devenu une SF à papa. Elle a perdu un peu cette vocation contestataire et anarche qu'elle a pu avoir dans les années 70-80. Ah, moi, j'ai pas dit ça, hein. C'est une question, je vous la pose. Ah oui, d'accord, okay. je me perturbe, moi. D'abord, la SF, au début, elle était pas forcément politique, hein. Elle a beaucoup marché sur le sense of wonder scientifique, l'arrivée de la technologie, et puis comme roman d'aventure aussi. Elle est devenue politique, effectivement, dans les années 60, 70, avec des gens comme Ballard, des gens comme En France, Douai, Andrevon, qui d'autres, Philippe Goy, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est pas des auteurs qui ont forcément continuer à écrire, et puis ça s'est tari parce que je pense que avec les années 80 et l'arrivée du disco, il n'y avait plus d'avenir. Pour la... C'était nos futurs, mais pas dans le même sens. Elle est revenue. Elle est bon. Il y a resté à Yerdal. Yerdal a quand même écrit beaucoup de SF qui étaient assez engagés politiques. Mais c'est pas vrai que dire qu'aujourd'hui elle l'est plus, elle l'est par certains auteurs. Elle est, bon, comme il y a énormément de bouquins qui sortent, on va trouver du Octavia Butler qui est quand même vachement politiquement engagé. Et puis à côté, on va trouver des trucs plus basés space opéra qui n'est pas du tout quoi. Mmh. Mais bon, voilà. Effectivement, de toute façon, la littérature aujourd'hui, elle n'est pas sur une pente très engagée politique, en général, pas que la SF. Hein. Mmh. Il y a évidemment quelques noms, mais qui sont plus tellement dans des démarches punk, qui sont dans des démarches à proprement parler politiques ou anarchistes. On peut penser notamment aux modèles sociaux alternatifs de Damasio, par exemple. Mais est-ce que c'est du punk assagi, ça, pour vous, Christophe Siebert? Assagi, non, je pense pas, mais c'est vrai que... Bah... L'intérêt de Damasio dans ses bouquins, c'est qu'il va vraiment sur le terrain, il enquête beaucoup, il se documente énormément. Et donc, pour le coup, pour le fait de parler de problématiques présentes et de les décaler dans un récit futuriste, il fait vraiment ce travail-là, lui, oui. Peut-être, est-ce que vous avez le sentiment les uns les autres aussi que, compte tenu de la réalité qui se déroule sous nos yeux et qui commence évidemment à sentir la dystopie à plein nez, cette littérature-là, contestataire, qui casse les modèles, bah en fait, comme le modèle se casse lui-même de toutes parts et qu'on est en train de plonger les deux pieds les premiers dans la dystopie, c'est plus difficile finalement de casser quelque chose qui est déjà en morceaux, Jean Barret ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que, exactement. C'est même avant l'actuelle période de pandémie, je me suis très souvent fait rattraper par la réalité au fur et à mesure que j'écrivais mes livres, et chaque fois que j'essayais de pousser le curseur plus loin, en définitive, je découvrais un fait d'actualité qui était beaucoup plus près que ce que je le croyais. Par exemple, vous avez des exemples en tête ? Alors oui, j'en ai plein, mais un sur Bonheur, par exemple. Bon, le fait de tout bête que les personnages portent des marques comme moyen d'identification et que donc on les appelle par un sponsor de vie. J'ai découvert pendant la fin de l'écriture de Bonheur TM que il y avait des braves gens qui sponsorisaient complètement, par exemple leur mariage. Et qui faisait donc un mariage, par exemple, je sais pas, Vuitton ou Chanel ou ce que vous voulez. Alors, ce sont des gens qui ont quand même un certain niveau socio-économique, parce que ces marques-là n'ont pas d'intérêt à aller chez n'importe qui. Mais ce sont des mariages intégralement griffés par une marque qui paye l'événement ou une partie de l'événement. Et je me disais que pour quelque chose qui est dans votre vie, qui est censé être le plus beau jour de votre vie, y mêler une marque. Et finalement faire un mariage Vuitton ou Chanel, je pense que ça commence à sentir aussi pour nos sociétés. Voilà, mais il y a plein d'exemples où je me suis retrouvé rattrapé. Tiens, si vous en voulez un autre, dans VTM, mm-hmm. dans VTM, il y a une émission entre autres qui est diffusée régulièrement et qui consiste à mettre en scène des événements historique, mais sous un angle complètement hystérique. Les reconstitutions hystériques, d'ailleurs, ça s'appelle. Les reconstitutions hystériques. Et je découvrais que, qui c'était, je crois, Christine Bravo, donc vous voyez, pourtant pas non plus les émissions les plus extravagantes du PAF, mais qui faisait une émission qui s'appelait Les Dessous de l'Histoire, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Et elle racontait par la petite bout de la lorgnette des épisodes un peu sexuels ou un peu crus de telle ou telle personne sur Napoléon, par exemple, ou je sais plus quoi. Et ça partait vers ça. On part un peu vers cet excès, vers cette surreprésentation du vice, soit de l'excès. Et je me disais, zut, je commence à me faire rattraper. Et c'est vrai que c'est difficile. Après, en revanche, nous commençons à rentrer dans un environnement dystopique. C'est difficile de dire l'inverse au niveau international comme au niveau national. Mais est-ce que cette dystopie casse ce qui est notre quotidien au sens de nos fondamentaux de société ? Pour l'instant, non. Donc, on peut encore travailler là-dessus. On n'en est pas encore à qui est le plus méchant entre Dark Vador et Adolf Hitler, mais on n'en est pas loin. Ah. Karim Berouka, votre sentiment là-dessus sur la capacité de détruire un modèle qui est en train de tomber en miettes devant nos yeux ? Mm-hmm. Moi, je suis pas prophète, donc j'ai un peu du mal à trouver les, Je sais aucune idée. J'en sais rien. Je vais vous reposer la question. L'histoire. Regardez les 10 dernières années d'histoire, c'est tellement chaotique et c'est tellement, on sait absolument pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Je sais pas, il y a peut-être un coup d'État en France, c'est tout à fait dans le domaine du possible ou pas du tout. C'est aussi, je peux pas. Je vais formuler ma question différemment. Alors, quelle forme de subversion aujourd'hui, au 21e siècle, permet la science-fiction compte tenu du réel, ou justement, comment est-ce que la science-fiction peut punkiser la réalité ou les projections dans le futur, à votre avis? La science-fiction, déjà, c'est un truc, bon, c'est un peu difficile de généraliser ça à tout le monde. Hein. On n'a pas tous les mêmes envies de raconter. C'est des histoires. Hein. C'est pas des prévisions. C'est pas Madame Soleil. Je sais qu'il y a beaucoup, il y a toujours un écrivain qui sort et qui dit, ouais, moi j'avais prévu le téléphone portable il y a 50 ans. Alors, effectivement, c'était peut-être un peu. Personne n'avait prévu que les téléphones portables serviraient quasiment à tout sauf à téléphoner aujourd'hui. On sait rien, la technique va tellement vite qu'elle est très méchante avec les pauvres auteurs de science-fiction qui essaient de prédire le futur. C'est que le réel va plus vite qu'eux. À peine ils ont trouvé une petite idée, ils s'aperçoivent que il y a d'autres gens aussi qui réfléchissent et qui écrivent pas des livres, mais qui créent des trucs et qui, généralement, pour la thune, donc pas forcément pour le bien de l'humanité. Ce que décrivait Jean Barret à l'instant. Hein. Voilà. Oui, ouais. Est-ce que vous me permettez? Bien sûr. Un petit ajout. Ce qu'on peut dire de subversif aujourd'hui par rapport à notre situation actuelle, c'est que, comme je le disais, on part dans une logique dystopique, mais le ressort fondamental de notre société actuelle l'absorbe. Je veux dire par là que même les crises les pires, la pandémie, la crise économique qui s'annonce, la détresse, les morts, les malades, la crainte de l'autre, etc., tout ça est absorbé pour l'instant par notre système. Je ne crois pas que ça le fasse s'effondrer. Je pense que simplement il le digère différemment, que le marché y répondra toujours et qu'il y aura peut-être évidemment au niveau humain beaucoup de souffrance, au niveau structurel de notre société, pas beaucoup d'effets. Et je pense que le côté subversif qu'on peut trouver à tout ça, c'est de dire ça, c'est-à-dire de dire attention, ça ne tombe pas, ça se recycle, se transforme, mais ça sera toujours acheté et vendu. Quoi qu'il se passe, la mort, la maladie, etc. Il y aura toujours l'argent à faire là-dessus. Christophe Sieber, sur cette même question, quel est l'espace en fait de subversion que peut apporter la science-fiction compte tenu de cet état du réel que vous décrivez les uns les autres? À mon avis, de par sa nature même, c'est-à-dire qu'elle décale un petit peu le réel en présentant un futur proche ou plus ou moins lointain et exacerbe certains détails pour les mettre en avant, ça peut contribuer entre autres à développer un esprit critique et pourquoi pas un regard plus subversif et plus militant sur le monde, un désir de le changer pour justement que le futur réel ressemble pas au futur possible qu'on décrit. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h38, nous interrogeons la science-fiction comme littérature punk en compagnie de Jean Barret, Karim Berouka et Christophe Sieber. On va passer bien à vos travaux respectifs les uns les autres. Évidemment, les autres évidemment peuvent aussi réagir si vous voulez, rajouter quelque chose, si ça vous évoque une intervention quelle qu'elle soit. On commence par vous, Christophe Sieber. Image de la fin du monde, chronique de Mertvekgorod. Puis j'ai réussi à le dire, j'étais persuadé que j'allais me planter. On est donc dans une ex-république autonome de l'URSS en pleine déliquescence, qui est évidemment une assez cruelle et méchante caricature de nos sociétés contemporaines. Quelle est l'intention initiale quand vous créez ce pays qui a pour vocation d'ailleurs de donner suite à une série d'ouvrages? C'est quoi l'intention initiale, Christophe Sieber, derrière ça? L'intention initiale, c'est justement de créer un monde qui sera soit assez riche et assez complexe pour que je puisse y déverser roman après roman toutes mes inquiétudes, toutes mes obsessions, tout ce dont j'ai envie de parler dans un cadre cohérent qui va à la fois commenter le monde réel quand je parle de trafic d'organes ou de trafic de déchets et s'y superposer pour justement, comme j'ai dit tout à l'heure, évoquer des futurs possibles, bon, relativement noirs évidemment, et dans le but d'explorer un monde jusqu'à la fin de ses logiques, dans tous ses détails, dans tous ses retranchements. C'est le récit lui-même est assez explosé, déstructuré. Il y a une sorte de lien entre le fond et la forme, entre ces différents personnages et l'éclatement de la narration. Oui, mon idée c'était, vu qu'effectivement ça va être une série normalement relativement longue, c'est de proposer un premier volume qui soit une sorte de porte d'entrée dans ce monde. Et donc, dans l'image de la fin du monde, c'est vraiment la ville elle-même, Mervegorod, qui est le personnage principal. Et donc, on la découvre à travers des tranches de vie, des histoires qui se répondent ou qui se répondent pas, et qui sont structurées par un énorme attentat qui constitue plus ou moins le centre du récit. Dans ce premier volume. On a le sentiment, alors, d'une façon très, très, très différente de celle de Jean Barret, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais on a le sentiment dans ces chroniques de Mervegorod que tous les potards sont poussés à fond. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que vous y allez, que vous balancez tout, qu'on va dans l'excès, dans la surabondance, ça déborde dans tous les sens. C'était vraiment, le but, c'était d'abolir les limites, de tout casser, quoi, en fait. Oui, de tout mettre oui. En 11, ouais. Oui, vraiment, oui, c'est toujours pareil. Si on veut, à mon avis, si on veut montrer quelque chose en littérature, il faut vraiment l'éclairer de façon très forte, avec de gros contrastes et créer une émotion forte à travers le récit. Sinon, ce qu'on voulait montrer n'apparaît pas vraiment, reste flou ou fade. Vous diriez qu'il y a une intention, je sais pas, nihiliste, anarchiste, ou une intention politique dans ce récit? Pas tout à fait, mais il y a l'intention de montrer un monde nihiliste, oui, et de montrer les destins de personnages qui soit le subissent, soit au contraire en profitent. Mais je pense pas que le livre d'intention politique par lui-même. Par contre, les personnages et la ville elle-même ont évidemment beaucoup d'intentions politiques. Oui. Cette ville, hein, de Mervegorod, vous avez créé sa propre fiche Wikipédia. Vous travaillez en sous-main à créer une sorte d'univers monde, d'univers totalisant et d'univers. Enfin, il faut dire quand on plonge à l'intérieur, qui est quand même très très punk, quoi. Oui. Mais mon but, c'est quand même d'envahir le monde réel, de remplacer le monde réel. D'ailleurs, il y a d'autres auteurs maintenant qui écrivent dans ce monde et qui vont bientôt proposer des manuscrits à des éditeurs. L'idée, c'est vraiment de subvertir complètement le réel, de le remplacer par Mervegorod. Vous disiez que c'est la version russe du Los Angeles de Blade Runner, le Londres de Jack the Ripper déplacé à la frontière ukrainienne, un cauchemar ballardien où Lovecraft et Clive Barker attendent tapis dans l'ombre. Ça fait beaucoup d'impressions. En tout cas, on voit bien que ça saigne, ça grouille, ça jouit. Enfin, on est vraiment sur des états émotionnels toujours assez extrêmes, quoi. Oui, c'est très organique, c'est très vivant. Ben, comme c'est un monde vraiment, enfin comme c'est une ville vraiment vraiment infernale. Du coup, les personnages que je mets en scène forcément ont des existences souvent extrêmes. Et en tout cas, réagissent fortement aux choses, même les plus anodins ou banales que je mets en scène sont quand même assez excessifs. Ouais. C'est une manière de suivre et d'exister, de toute façon. Comment vous décririez-vous, pour les auditrices et les auditeurs qui vont vous découvrir en commandant votre livre dans une librairie de quartier et aller chercher en click and collect, comment vous décririez ce pouvoir, cette ville de Mervegorod, si vous deviez faire une sorte de guide touristique, comment vous en parleriez? Mazette, c'est une question assez difficile. Je dirais que c'est une ville qui concentre tous les travers et tous les possibles du monde réel. Il y a une phrase de Lillo que j'aime bien, quand on le traitait de prophète, parce qu'il avait prévu le 11 septembre des années avant. Il expliquait que de toute façon, quand un écrivain imagine un truc, il y a forcément dans le monde réel quelqu'un qui est déjà en train de le faire. Et j'avais un peu ça à l'esprit quand j'ai écrit Mervegorod. C'est-à-dire, je me dis que de toute façon, le plus impossible que j'aille, le plus caricatural, le plus violent, le plus sombre, le plus barré, ça va de toute façon faire écho à un truc réel. C'est marrant parce que c'est Grant Morrison qui disait ça, je crois. Je sais pas si c'est pendant qu'il écrivait Les Invisibles, il disait de temps en temps je crée des personnages, je crée des situations et ensuite je les croise dans la rue et c'est ce qui l'a fait basculer un peu vers cette espèce de pensée magique. Vous partagez ce genre de point de vue? Ah oui, absolument. Oui. Ravalek partage aussi un peu ce point de vue d'ailleurs. Il considère que si on écrit des choses trop noires, des choses noires vous arrivent. Du coup, Ça, je pense que tous les écrivains le savent. Abyssus abyssum in vocat. Peut-être, il y a une limite, en fait, vous vous posez une limite, ou est-ce que justement votre jeu avec vous-même en tant qu'auteur, c'est précisément de les détruire complètement, de les outrepasser, de vous bousculer vous-même pour vous dire, ah, mais je peux aller encore plus loin? Non, je cherche pas forcément les limites, ni à les atteindre, ni à les dépasser. Je cherche plutôt à être toujours au plus près de la vérité des personnages et de la vérité de l'histoire que je veux raconter. Si elle doit aller très loin ou si elle doit faire sauter des tabous, elle le fera, mais c'est pas la volonté de le faire a priori. C'est plutôt mes personnages qui vont aller au bout de leur logique, et mon récit qui va aller au bout de sa logique. Mmh. Image de la fin du monde, donc ces chroniques sont sorties en mars. On voit que sur le site, il y a donc d'autres volumes qui doivent arriver sans date précise. Là aussi, il y a un plan, il y a une volonté d'anthologie. Comment est-ce que vous concevez ça, Christophe Siebert? Oui, bah j'ai conçu une vague frise chronologique qui va des années 70 jusqu'en 2050, et donc je vois à peu près les gros événements qui s'y placent. Mais par contre, quand j'écris les histoires au fur et à mesure, comme elles sont déconnectées les unes des autres, c'est plus des instantanés d'un monde qui est beaucoup plus vaste hors champ que ce que je raconte. Et donc le prochain volume, par contre, paraîtra en septembre prochain au Diable Vauvert, normalement. Et d'autres sont prévus chez d'autres éditeurs. Enfin, il y a toute une saga qui va se mettre en place au fil des années. Karim Berouka, Jean Barret, un commentaire, une réaction, quelque chose à dire? Ouais, moi je voulais demander à Christophe s'il connaissait deux auteurs qui s'appelaient Léo Henry et Jacques Muccelli, qui avaient fait un livre qui s'appelait Yamaloka, en fait, et qui a pas mal de similitudes, en fait. Ça se passe dans une pseudo république de l'Est, avec plein de petits portraits comme ça de personnages, et c'est décliné sur plusieurs romans. Et à un moment, ils ont même fait un volume, justement, où ils font intervenir d'autres auteurs. Je ne sais pas s'ils connaissent. Christophe Siebert, ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Enfin, par contre, je connais bien sûr Volodine, qui a fait un peu le même travail aussi avec son post-exotisme. Ouais. Mais Léo Henry, non, ça me parle pas. Et ben voilà. Je note. Vous prenez note et on en reparlera la prochaine fois. Karim Berouka, on va passer à vous. Déjà peut-être un mot pour les auditrices et les auditeurs qui vous connaissent pas. Comment on passe de Ludwig von 88 à la science-fiction? Quelles sont les passerelles entre votre projet musical et vos projets d'écriture? Voilà, il y a un type qu'on rencontre dans un couloir qui a deux pilules. Il y a une pilule rouge et une pilule bleue. Et puis si on prend la rouge, on a le droit de faire de la SF après avoir fait du punk. Bon, non, moi j'écrivais depuis que je suis ado, j'écrivais des trucs que je finissais jamais. Puis un jour, je me suis dit, voilà, allons-y, tentons, essayons quelque chose de nouveau. Vous avez récemment écrit le club des punks contre l'apocalypse zombie. Pourquoi est-ce qu'il fallait mettre des punks face aux zombies? C'est deux facettes du même personnage? Pas du tout, non. c'était pour par réaction, parce que je lisais beaucoup et je voyais beaucoup d'histoires de zombies avec des survivalistes, souvent américains d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi, qui étaient très forts, bien organisés, avec un bon leader, avec des éléments faibles qui se faisaient bouffer assez rapidement. Donc j'ai dit, faisons le contraire, prenons le mythe à l'envers. Et mettons ce qui peut pas se fédérer autour d'un leader, prenons des punks, ça on est sûr qu'ils vont tout foirer. Et en fait, développer le truc, au lieu d'avoir des gens qui se font bouffer et qui meurent au fur et à mesure, on a des gens qui sont ressuscités au fur et à mesure. Enfin, bref. C'est un pur plaisir de destruction, un peu à la manière d'un château de sable. Vous disiez, c'est un plaisir de détruire Paris. Il y a un côté où on s'amuse, vous êtes amusé là-dedans à tout casser à grands coups de latte. Ah, moi, j'ai rien cassé, hein, c'est les zombies. Non, en fait, non, ça commence et puis tout est pété déjà. Enfin, il n'y a plus personne, surtout. Pas forcément cassé, mais il n'y a plus personne, en fait. Tout le monde est, comme dans tous les grandes œuvres de littérature zombie, tout le monde a été bouffé. Donc, il faut survivre. Et c'est plutôt amusant d'avoir justement Paris libéré et délivré et d'avoir personne dans les rues ou quasiment personne. Et pouvoir faire ce qu'on veut. C'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment, vous noterez. Et voilà, c'était un roman précurseur. Il manque les zombies, voilà. Mais sur les rues vides, on est raccord. On les a, les zombies. Ils travaillent pour la police. Vous diriez, Karim Berouka, qu'il y a dans ce club des punks contre l'apocalypse zombie une volonté provoque, une volonté un peu politique, ou tout ça se fait en sous-main, c'est conscientisé ou ça l'est pas? Alors c'est absolument politisé, politique, puisque c'est ces joyeux punks qui se retrouvent, qui sont à la base dans un squat et qui se réveillent un beau matin sans comprendre ce qui se passe, parce que de toute façon ils ont passé la soirée à se défoncer, s'aperçoivent que le monde est un peu désert, pas complètement, mais il y a des trucs dehors qu'ils comprennent pas trop, donc rapidement il y en a un d'eux qui leur dit écoute, on va faire enfin ce qu'on voulait faire avant, c'est-à-dire une société libre, libertaire et égalitaire. Donc c'est le bon moment, à repartir de zéro, parce que c'est un peu compliqué de réaliser ça à partir du système qu'on a aujourd'hui. Donc profitons-en évidemment, ils ne sont pas les seuls à avoir survécu, et chaque fois qu'il y a la merde quelque part, il y a le MEDEF caché quelque part. Voilà. C'est quasiment le même point de départ que Shaun of the Dead, où ils se réveillent après une cuite effroyable et ils ne comprennent pas qu'il y a des zombies dehors parce qu'ils pensent que les gens se comportent comme des zombies. Voilà, non, c'est un peu ça, ouais. À part que eux sortent même pas, donc ils ont même pas la, ils entendent des hurlements et ils pensent juste que c'est la teuf devant. Mais c'est un peu cette histoire-là, voilà. Shaun of the Dead, ils sont dans le jardin et les gens continuent à faire la même chose que d'habitude. Là, ils sont, ouais. Là, il s'aperçoit vite qu'il y a un problème quand même. Les titres des chapitres, Karim Berouka, ce sont des titres réels de groupes punk. C'est des chansons. Des chansons, alors, ouais. Ouais, des chansons ou des une phrase tirée d'une chanson. Soit c'est des groupes français, soit c'est des groupes anglais. Alors quand c'est des groupes anglais, j'ai traduit moi-même. J'ai fait mon traducteur automatique en essayant de traduire le moins bien possible. Et il y a une petite galerie de personnages assez chouettes, et notamment un personnage que j'aime bien, votre personnage d'Anna Rintello, qui est prêt pour la révolution totale. Et vous disiez dans une interview, Karim Berouka, que tous vos personnages sont inspirés de personnages réels que vous connaissez. C'est qui ce type? Moi, je veux bien le rencontrer, il est hyper sympa. Alors, non, c'est pas vraiment ça. C'est, en fait, tous les personnages sont constitués à partir d'une myriade d'autres personnages. Je veux dire, on va retrouver dans ce Kropotkin là des bouts de gens que j'ai connus à gauche à droite dans les années 80, mais pas une personne spécialement. Donc c'est plutôt que il y a des anecdotes qui sont des trucs qui sont vraiment arrivés, pas les trucs les plus aberrants. Mais voilà, j'ai construit des personnalités à partir de gens que je connaissais, mais pas d'une personne spécialement. Ceci dit, le punk anarchiste, j'en connais pas, et je leur dis, allez, vive la révolution. on va passer au camarade Jean Barret, donc cette trilogie trademark Bonheur TM, Vie TM et bientôt Mort TM, qui est pour le coup, alors... Ça interroge la question de punkitude ou de punkité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une trilogie très clairement nihiliste. Oui, en effet. Alors, juste un petit mot, si vous me permettez, pour Karim, juste un petit mot, parce que c'est marrant. Pour moi, le zombie est au contraire l'absolue antithèse du punk, parce que le zombie, c'est le consommateur ultime. C'est une parabole sur la société de consommation. En tout cas, je crois que même dans l'histoire du cinéma, les premiers films de zombies sont vraiment traités comme ça. Et donc, le punk incarnant la révolte des punks contre des zombies, au contraire, pour moi, ça avait un sens de l'extrême consommation contre la bref. L'incarnation de ça, c'est le Romero, hein, c'est Day of the Dead, zombie, où les zombies retournent dans le centre commercial parce qu'ils sont décérébrés et ils se comportent comme des consommateurs, oui. Exactement. Alors, pour revenir à la question que vous me posiez, oui, sur sont des œuvres nihilistes, oui. Alors, le nihiliste, c'est quoi? Il y a sûrement plein de définitions. Pour moi, c'est pas simplement un athée qui se dit « il n'y a pas de Dieu qui nous attend après la mort ». C'est quelqu'un qui, en plus, se demande quoi en tirer comme conséquence. Et il y a deux conséquences qu'on peut en tirer, ou même peut-être trois. En tout cas, les conséquences principales, c'est comment je vis ma vie si je sais et que j'ai conscience et que j'intègre qu'il ne se passera rien après ma mort et que je ne serai pas jugé et que j'aurai pas de bons points ou de mauvais points. Plein de réponses à partir de là quand même peuvent se présenter. Il y en a trois et chacune est en définitive un des thèmes de la trilogie. Voilà. Donc bonheur TM, la consommation, vie TM, voilà. la philosophie ou la métaphysique en quelque sorte. C'est ça. Et mort. C'est ça. Et mort TM, ben, c'est une des approches de, peut-être nihiliste des religions. Ça peut être de les rejeter toutes, bien sûr. Ça peut être aussi à l'inverse de les considérer toutes à égalité, puisqu'en définitive, elles sont toutes fausses, puisque il n'y aura pas de Dieu qui nous attend après la mort pour nous dire bravo, la bonne réponse, comme dans un épisode des South Park, c'était mormon, et tant pis si vous l'êtes pas, bah alors à ce moment-là, vous allez en enfer. Puisque c'est pas ça, on peut les traiter toutes, et Mort TM va traiter de la question de la multiplicité des religions, des milliers, des dizaines de milliers de religions qui ont existé, ou qui existent encore sur la planète. Parce qu'on a souvent tendance à considérer qu'il n'y en a que quelques-unes, mais en réalité, il y en a vraiment des milliers. Et comment on est religieux dans un contexte où vous avez des milliers de religions qui s'offrent à vous. Voilà pourquoi. Étant entendu que Jésus et Bouddha, des émulations de Jésus et Bouddha sont déjà des personnages de VTM. Oui, il y a exactement que dans Bonheur, il y a une foire aux religions, et en effet, il y a des émulateurs de Jésus et Bouddha, tout à fait. Vous diriez que c'est une trilogie politique que vous écrivez, Jean Barret ? Ah, c'est une grande question. Alors, moi, j'ai tendance à dire que non, mais tout le monde me dit que oui. Alors, si je me rallie à la majorité, je dirais que oui. Non, je dis que non, parce que pour moi, un projet politique, une œuvre politique, est une œuvre qui donne une solution, qui dit voilà, ça va pas, voilà ce qu'il faut faire, ou voilà ce vers quoi il faut aller. Or, de mon côté, je dis voilà ce qui va pas, et je m'arrête là. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux, je crains même que de chercher à ce que ça aille mieux, ça génère encore plus de travers et de souffrance. Donc, je me contente de en quelque sorte, d'avoir une critique politique sur notre société et les différentes tendances qui sont sous-jacentes, mais je ne dis pas et voilà la solution, ce qui est pour moi m'échappe totalement. Donc c'est encore plus nihiliste que ça, parce que du coup c'est nihiliste y compris politiquement. Je sais pas. Bon, on arrive malheureusement déjà au terme de cette émission. On aurait bien fait une heure de plus avec vous trois. Merci beaucoup en tout cas d'être venu faire ce plateau qui aurait dû se tenir encore une fois en direct des Utopiales. Merci d'avoir fait vivre cette émission. Jean Barret, on peut vous lire. Bonheur TM, Vie TM et Mort TM apparaître, c'est au Bélial. Karim Berouka, notamment le club des punks contre l'apocalypse zombie, c'est chez Actu SF et J'ai lu en poche. Et Christophe Siebert, image de la fin du monde, métaphysique de la viande, c'est au Diable Vauvert. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, même si les Utopiales ne se tiennent pas, commander l'anthologie de cette édition 2020 avec plein de nouvelles, plein d'auteurs, dont une de Bibi. On vous a mis le lien sur le fil Twitter. Et puis maintenant, je peux lever le secret. Vous pouvez d'ores et déjà aussi précommander un autre type de livre sur lequel, maintenant que le deuxième confinement arrive, j'ai travaillé pendant le précédent. C'est un livre sobrement intitulé L'espace, c'est chez EPA, dans lequel 5 astrophysiciennes et astrophysiciens tâchent de répondre à 5 questions qui forgeront notre connaissance de l'univers d'ici une cinquantaine d'années. Est-ce qu'on va découvrir de la vie ailleurs ? Est-ce qu'on va pouvoir remonter jusqu'au Big Bang, on va aussi poser la question de ce que sont les trous noirs, de la structure de l'univers ou du voyage spatial avec le camarade Roland Lehoucq, le tout préfacé par Carlo Rovelli. Ça sort officiellement mercredi, le 4 novembre. Voilà, vous savez tout, vous pouvez commander ça dans votre librairie de quartier qui se plie en quatre pour continuer à vous proposer des livres en dehors des plateformes internet qui n'ont pas besoin d'être engraissées, tout ça en click and collect. N'hésitez pas à les faire vivre. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Eve Etienne, Céline Lozen, Nomi Naguette Saint-Vulfranc, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. La semaine prochaine dans le labo de La Méthode Scientifique, lundi, journée spéciale consacrée à l'enseignement, cette journée qui sera la rentrée scolaire si particulière cette année, nous intéresserons pour notre part à la pensée critique dans l'histoire des sciences. Mardi, nous parlerons de la chiralité des molécules, mercredi de la monétisation des données personnelles, jeudi nous retracerons l'histoire de Vera Rubin et ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain à 16h, vous retrouverez Étienne Klein pour la conversation scientifique. La radiographie du coronavirus, si vous l'avez raté ce matin à 7h15, s'intéresse aux raisons de la flambée épidémique en France ces 15 derniers jours. Vous la retrouvez sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.